RIG. Il est 20h. RIG. Oh, la partie, c'est un contrôleur de Nexo. RIG 90.7. Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Je suis Thierry Gallet et je vous propose une émission de 2h, de 20h à 22h qui s'appelle La saga des Fab Four. Nous sommes à l'émission numéro 440 aujourd'hui et l'album de la semaine est Flowers in the Dirt de Paul McCartney en 1989. On écoutera My Brave Face, Rough Ride, Put It There, We Got Married, This One et Motor of Love. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Jealous Guy, mais la 9e prise, vous allez voir, légèrement différente. Pour George Harrison, on réécoutera Try Some, Buy Some sur l'album Living in a Material World de 1973. Puis Ringo Starr nous chantera Love Don't Last Long, l'amour ça ne dure pas longtemps, sur Bocoups of Blues en 70. Et pour contrecarrer ça, les Beatles nous chanteront All You Need Is Love, parce qu'on en a quand même drôlement besoin. Sur l'album Magical Mystery Tour, par exemple, de 1967. Voilà. Je vous propose de nous retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, pour le reste, eh bien, je vous souhaite de passer 2 heures de bonheur avec cette émission qui a été créée en 1984 et qui dure depuis 36 ans. Donc, je suis le Michel Drucker de la radio. Et j'en suis heureux, surtout depuis que vous êtes là, parce que c'est vrai que ça doit faire aller 13 ou 14 ans ou 15 ans qu'on peut se retrouver sur Internet. Avant, c'était beaucoup plus local. Maintenant, on peut nous écouter sur la région bordelaise, sur 90.7, bien évidemment, mais également sur www.rigfm.fr. Si vous êtes en train d'écouter, c'est la preuve que vous le savez. Mais ça peut se faire partout en France et hors France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Japon, pourquoi pas, en URSS, aux États-Unis, où vous voulez. Du moment que vous captez Internet, vous pouvez capter la saga des Fab Four. Alors parlez-en autour de vous, plus vous serez nombreux à être ici dans la saga des Fab Four, plus nous, on sera contents. Donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un bon repas si vous êtes en train de manger des crêpes par exemple, pourquoi pas, salut à vous. Et je vous propose de commencer l'émission avec My Brave Face, on en parle juste après. 1989, le grand retour de Monsieur Paul McCartney. propose, baby, will you please come home, notepad for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table, années 80 ont passablement bousculé ce qu'on appelait alors les dinosaures du rock. La nouvelle scène anglaise, menée tambour battant par de nouvelles formations telles que U2, Simple Minds, Depeche Mode, Eurythmics et autres Cure, se sont partagés une bonne part du gâteau. Tandis qu'aux États-Unis, Bruce Springsteen et Prince font partie des rares à avoir résisté à la déferlante Michael Jackson. Comme beaucoup d'autres de sa génération, Paul McCartney n'éveille alors qu'une curiosité polie. Et il n'a pas échappé à un méchant creux de vague en milieu de décennie. Mais il la termine pourtant comme il l'avait commencé avec Tug of War, porté au plus haut par une puissante vague populaire et médiatique. En surfeur doué et intuitif, c'est avec Flowers in the Dirt, un de ses tout meilleurs albums, qu'il revient sur le devant de la scène et plus combatif que jamais. Plusieurs facteurs ont tout d'abord balisé le terrain à cet atterrissage inattendu. En premier lieu, le catalogue intégral des Beatles qui venait d'être officiellement réédité en CD, avec à la clé un véritable tsunami médiatique. Le lifting opéré sur ces chansons par leur transfert en digital, mais surtout en évidence un fait incontournable. En CD ou pas, elles n'avaient pas pris une ride, les chansons des Beatles, depuis deux décennies. Une vague nostalgique et bienveillante allait profiter aussi bien à Paul McCartney avec ce disque qu'à George Harrison, sortant d'une quasi-retraite de 5 ans avec les patents Cloud 9 deux ans avant, 1987. Et aussi avec la mise sur pied du supergroupe The Traveling Wilburys. Si on ajoute à cela l'apparition récente de l'excellente compilation All the Best en 87 aussi de souvenirs couvrant l'essentiel de la carrière de McCartney en solo, il était compréhensible que son nouvel album suscite un vif regain de curiosité, d'autant plus qu'il annonçait en même temps son désir de fouler de nouveau les planches avec une imposante tournée mondiale. Oui, il avait arrêté les tournées depuis 1980, la tournée ratée au Japon. Et ça lui manquait à Paul McCartney, et je me souviens de l'époque lorsqu'on lui a dit « Ouais, mais My Brave Face, ça ressemble quand même vachement à du Beatles ». Il dit « Oui, oui, tout à fait, la montée de My Brave Face, ça ressemble à du Beatles ». Mais s'il y a des gars qui peuvent faire du Beatles, c'est quand même les gars et moi, il n'y a pas de raison. Donc George Harrison, Ringo Starr et lui, Paul McCartney, oui, il avait le droit de faire du Beatles, pourquoi pas. Un excellent album qu'on retrouvera donc un petit peu plus tard dans la saga. Okay. 1, 2, 3, 4... Shivering inside, sorry that I made you cry. Oh, now I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Version différente que vous retrouvez sur le Ultimate Imagine qui est sorti récemment. Je pense que là, c'est vraiment les fonds de tiroir. Maman Yoko ne doit plus rien avoir à nous proposer. Il faut reconnaître quand même que la carrière de Lennon, malheureusement, a été drôlement courte. 5 ans seulement, plus un retour en 1981 et puis stop. Donc, merci quand même de nous donner tous les fonds de tiroir parce qu'il y a quand même de très bonnes choses, notamment celle-ci, une version différente de Jealous Guy que vous connaissez puisque c'était Child of Nature du temps des Beatles. Il a repris la mélodie intégralement, il a juste changé le set de paroles pour donner ceci. Écoutez bien la chanson suivante, ce sera l'objet de la cover tout à l'heure. Way back in time, someone said try, some might try, some now buy, some might bought, some oh oh oh. After a while, when I tried them, denied them, I opened my eyes and I Their mother wrote a letter, said she thought it would be better if she would just stay gone. She knew of her condition, but she wouldn't give permission for her to come back home. So she called the boy who loved her, but all he did was snub her, said, "Face it on your own." Love don't last long. A young man was unlucky and got busted in Kentucky, asked his dad to go his bail. But his dad had big ambitions with the local politicians, told his son to go to hell. He hung himself that morning, and the note that they found on him said, "Dad, please take me home." Love don't last long. A woman told her husband she lived every day to love him. Nothing else fits in her plans. Then without a warning, he came home from work one morning, found her there with another man. In a fit of anger, he took her life and the stranger's. Then he took don't last long. Star à l'instant sur RIG. Une de mes grandes joies d'animateur radio, ça a été de vous faire aimer, en tout cas pour la plupart, je pense, Ringo Starr, parce que Ringo Starr n'est pas le moindre, n'est pas le moins bon. Il est bon aussi, il a son style, il est moins fort que les autres, peut-être, d'accord. Mais il sait être plutôt bien, notamment cette chanson, par exemple, Love Don't Last Long, sur Bocoups of Blues. Et cette semaine, on a eu un débat très très intéressant sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, au sujet du batteur, justement. De Pete Best, moi je dis, alors ça n'est que mon avis, Pete Best, oui, c'est le meilleur loser du monde, puisqu'il a fait les galères de l'avant Beatles, et au moment où les Beatles sont sortis et sont venus sur le devant de la scène, mais il a tout raté. Alors après, il est resté au crochet comme étant quelqu'un qui a fait partie de l'avant Beatles, et il a fait sa vie là-dessus. C'est bien, c'est déjà mieux que moi. Moi, j'ai pas fait partie des Beatles, mais voilà, ça n'est pas, pour moi, ça n'est pas un Beatles. C'est un gars, un copain qui a connu les Beatles, mais qui n'a pas réussi avec eux. Alors que Ringo, il est arrivé peut-être au dernier moment. Bon, il avait fait quelques petits tours avec eux du temps de Hambourg. Il avait remplacé quelques fois de Pete Best, mais il a fait partie des Beatles. Il a fait les galères des Beatles pendant le succès. Bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, parce que tout le monde a le droit d'avoir son avis. Je vous propose, puisqu'on a écouté Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr d'écouter les Beatles. Et juste avant d'écouter les Beatles, il faut passer par le site, le meilleur site pour tout savoir, celui de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. We'll be right back. say, but you can learn how to play the game. Début 1967, la BBC proposa aux Beatles de participer à ce qui allait être la première liaison télévisée mondiale jamais réalisée pour une émission de 125 minutes distribuée dans 26 pays et réalisée avec la collaboration des chaînes télévisées nationales de plusieurs pays d'Europe, de Scandinavie, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Afrique du Nord ainsi que du Japon et d'Australie. Pour marquer cette occasion, il fut demandé aux Beatles de composer une chanson simple qui pourrait être reprise par des téléspectateurs de toute nationalité. L'écriture commença fin mai, Paul et John travaillant sur des idées différentes jusqu'au moment où une chanson de John, All You Need Is Love, s'imposa comme une évidence. Elle avait non seulement un texte simple et une mélodie facile à retenir, mais surtout exprimait parfaitement les aspirations de la jeunesse de toute la planète dans cet été 1967, opposé à la guerre du Vietnam. On la connaît cette chanson, hein. Le 45 tours est sorti le 7 juillet, devint l'hymne de l'été de l'amour, un hymne à la paix, à l'amour et à la tolérance. Et pour la petite histoire, dans le studio, il y avait une atmosphère de fête, puisqu'il y avait quand même Mick Jagger, Marianne Faithfull, Eric Clapton, Keith Moon, qui vient s'asseoir à côté d'eux, tenir des ballons, agiter des banderoles et se joindre au chœur. Vous pouvez le voir, puisque vous connaissez le clip, de toute façon vous l'avez certainement vu. C'est une excellente chanson, une des masterpieces de John Lennon qui savait avoir du génie quand il voulait bien. Revenons à l'album de la semaine et cette chanson, Rough Ride, 1989, extrait de l'album Flowers in the Dirt, sur RIG. Thank you. needed a friend. I needed something that would be there in the end. All the rough ride to heaven. Wanna get inside. What will I do? Chansons de cet album ont été co-composées avec de talentueux écrivains, notamment Elvis Costello. Elvis Costello qui semblait parfaitement opposé à Paul McCartney au point de vue du style. Et justement, McCartney a dit quelque chose d'absolument fort sympathique et je trouve qu'il devrait le prendre bien. Il a dit qu'il a retrouvé le côté sucré-salé, le côté un petit peu la même manière de composer qu'avec John Lennon. C'est-à-dire, par exemple, hein, je dis McCartney avance quelque chose et Elvis Costello disait l'inverse ou plus méchant, etc. Et quelquefois, c'était le contraire. Et ça donne un excellent album, Flowers in the Dirt, dans la saga des Fab Four, la seule émission hebdomadaire, tous les mercredis, de 20h à 22h, ici, sur www.rigfm.fr, sur les Beatles. La preuve, Please, Please Me sur RIG 90.7.

Stella marque sur Facebook, John a écrit Beautiful Boy, George a écrit Beautiful Girl. C'est vrai, mais néanmoins, les deux chansons sont complètement différentes, avec un point commun. D'abord, les différences. La première, Beautiful Boy, c'est une chanson d'un papa pour son fils. La deuxième, Beautiful Girl, c'est une chanson d'un homme pour une femme, très probablement, et pas pour une fille, genre sa fille. Mais le point commun, c'est que c'est du vrai amour. À la guitare seulement pour Real Love, c'est en 2004 sur l'album Acoustic. Nous sommes de retour sur l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt, sorti en 1989. Et cette chanson dans laquelle Paul McCartney se souvenait de ce que lui disait son père. Si c'est trop lourd, pose ça là. Si ça pose une tonne, put it there, sur RIG. Give me your hand, I'd like

1987, la radio des Beatles. I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down. Tell you one more time, I think it's a sin. I think I let you down. C'était Kansas City, extrait de l'album, j'ai toujours du mal à le dire, je vais le dire en français, Choba B. CCCP, de 1988, de Paul McCartney, il ressorti en 91 en CD, si jamais ceux qui pensent que j'ai tort de dire 88, le vinyle est bien sorti en Russie en 1988, mais il est ressorti pour le reste du monde en 91 en CD. Moi j'ai le volume, j'ai l'album en vinyle, écrit en russe. Bon. Et à l'instant, You Can Do That, extrait de cette belle année de 1964, dans laquelle, paraît-il, des légendes sont nées. Et You Can Do That est sorti en face B de Can't Buy Me Love. Dans cette chanson, John, plutôt que de pleurer, cessait à la menace. Il dit à son ami que s'il l'attrape en train de parler à un autre garçon, il l'abandonnera immédiatement. Il sait ce que l'on ressent lorsqu'on est trahi, et il est déterminé à ne pas laisser cela lui arriver une nouvelle fois. John expliqua plus tard que l'influence musicale la plus importante pour ce morceau a été Wilson Pickett, un ancien batteur de gospel d'Alabama qui n'avait alors sorti que 3 45 tours sous son nom en Amérique, dont l'un avait emporté un succès d'estime. Ce n'est qu'après que son contrat eut été racheté par Atlantic Records en 65 que Pickett se fit connaître comme l'un des plus grands chanteurs de soul des années 60, enchaînant tube sur tube comme Mustang Sally et surtout In the Midnight Hour. Pour l'enregistrement de You Can Do That, John utilisa la Rickenbacker qu'il venait d'acquérir, tandis que George jouait de la 12 cordes pour la première fois sur disque. « Je m'ennuie à tenir la guitare rythmique tout le temps », annonça John au Melody Maker. « Je préfère nettement faire des choses plus intéressantes. Le meilleur exemple est ce que j'ai fait sur You Can Do That. Les deux guitares n'avaient pas un rôle si marqué. C'est bien parce que la guitare rythmique ne passe pas vraiment sur vinyle. » C'était l'opinion, en tout cas, de John Lennon. Pas très souvent ça là, et pourtant elle est bien. You Like Me Too Much, sous RG. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true, cause you like me too much and I like you. Tried before to leave me, but you haven't it's true. 'Cause you like me too much and I like you. And I like you. 'Cause you like me too much and I like you.

Paul McCartney en 1989 sur l'album Flowers in the Dirt. Il est temps de parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Même si eux-mêmes, les Beatles, reprenaient déjà, faisaient la cover de un de leurs pères, comme Little Richard, ou qui vous voulez, on ne sait jamais. En tout cas, cette fois-ci, vous l'avez deviné, puisque l'un d'entre vous l'avait trouvé sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vous l'ai fait entendre dans le début de La Saga des Fab Four, c'était même la troisième chanson, Try Some By Some, sur l'album Living in a Material World. Ça a été repris par David Bowie en 2003 sur l'album Reality. Voici Try Some By Some, la cover de David Bowie sur RIG. We're back in time, someone said try some. I tried some, now buy some. I bought some. Ooh. After a while, when I tried them, denied them, I opened my eyes and I saw. Oh, Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. I'm Losing You, une version différente d'extrait de Once Upon a Time, John Lennon sur RG. Alors là, mon cœur balance parce que j'aime la version de Double Fantasy, j'adore même cette version-là, la première que j'ai pu entendre. Mais la version de Once Upon a Time sur l'album, sur l'album Once Upon a Time de 1998, elle est bien, elle est drôlement bien, elle est plus hargneuse quand même, c'est super chouette. Je vous propose de retrouver deux fois George Harrison, d'abord A Horse to the Water, puis après plus calme, Between the Devil and the Deep Blue Sea sur RIG. Saga des Fab Four, tous les mercredis, 20h-22h, sur RIG 90.7. Oh no, oh no, oh no.

petites minutes, ce sera This One, alias Eric, pour Johnny de A à Z. Sur RIG, bien sûr. En 1976, sur l'album pas terrible Rotogravure de Ringo Starr, une reprise, Hey Baby, chanson qui a été reprise aussi par Johnny en français, dont le titre c'était Hey Baby quand même. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Yeah. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Whatever gets you through the night. Through your life. Avec un peu d'aide d'Elton John au piano sur cette chanson Whatever Gets You Through the Night en 1974 sur l'album Walls and Bridges. On retrouve une dernière fois l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt de Paul McCartney en 1989. Et voici le titre. Attendez, petit problème technique, on va essayer de résoudre ça très très vite. Voilà, ça va être compliqué. On passe une autre chanson, on retrouve l'album de la semaine juste après. Thank you. superbe chanson. On retrouve Motor of Love, le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album, c'est Flowers in a Jar. J'en ai qu'une parole. l'album Electric Argument de Fireman alias Paul McCartney sur RIG. On termine en douceur. What's my name? Ringo Starr, extrait de son dernier album sur RIG. D'être resté jusqu'à 22h pour cette saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live. Un live, ça va être vachement bien. Dans quelques instants, ça va être vachement bien aussi, puisque c'est Eric pour Johnny de A à Z. À très très bientôt. Salut les filles. Voyez de moi aux garçons. Ciao. Judah.